être charmé. Mais comme tous les anges, belle angélique, usée de ses phalanges dans ses songes érotiques. Angélique se transformait alors en épouse dévouée, masseuse asiatique, du bout de ses doigts d'or. Sous ses caresses, le corps de son mari devenait des secousses telluriques. Devant son miroir, Angélique posée, sa lune brodelle de son déshabillé, la préserver d'une nudité totale. Le réveil fut brutal. Angélique cuit de la poussière d'ange, de ces mélanges qui font que tout est beau. Mais comme tous les anges, belle Angélique finit par se brûler les ailes dans son monde narcotique. Angélique est sortie de sa bulle, de ses chimères, de ses songes érotiques. Elle affronte le monde.